les relations en France entre les établissements universitaires et les entreprises, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des contrats. Ce qui change, c'est la fonction et le mécanisme. Bon, moi, j'ai surtout étudié, bien sûr, parce que bon, je vois ce qui arrive en France à partir de ce qui est déjà arrivé ailleurs. Bon, et le principe, c'est faire par l'université et à coût faible la recherche-développement des entreprises. C'est la recherche-développement essentiellement. Alors que, bien sûr, à partir de contrats qui sont de recherche, parce qu'une entreprise, ça n'est jamais un contrat de recherche fondamentale, qu'à partir d'une recherche appliquée, on puisse effectivement avoir des remontées du côté de la recherche fondamentale, c'est un fait. Et c'est effectivement une des raisons pour lesquelles des chercheurs, des universitaires, autrefois, souhaitaient passer des contrats avec l'extérieur, moins pour l'argent que pour justement cette possibilité de le développer. Et très souvent d'ailleurs, les universités, dans lesquelles il y avait un labo où il y avait des applications possibles, allaient elles-mêmes proposer. Non, ce qui change, c'est alors premièrement, ces contrats, quand ils sont avec des grosses entreprises, surtout, sont des contrats secrets qui n'apparaissent nulle part et qui sont assortis de conditions tout à fait draconiennes. Entre autres, tout le résultat appartient à l'entreprise qui l'a soi-disant financé, enfin qui l'a commandé. C'est également l'interdiction de publier à partir de là, et c'est surtout le couvercle mis sur tous les lanceurs d'alerte possibles, chercheurs qui auraient à faire. Et c'est comme ça qu'on est en train de socialiser les nouvelles générations de docteurs, en les amenant à, pendant toute leur période d'apprentissage, s'aplatir devant des exigences qui, d'un point de vue déontologique, sont inadmissibles dans les traditions de l'université. Alors, la deuxième caractéristique, c'est que désormais, la diminution des fonds publics est une façon d'obliger les établissements à chercher des ressources ailleurs. Alors que ce soit les frais d'inscription des étudiants, c'est parfois créer des filiales à l'étranger en espérant que ça va rentabiliser. C'est également en prenant des contrats avec les entreprises. Mais toute l'expérience et les calculs qui ont été faits aux États-Unis semblent bien montrer que, en réalité, cela revient à faire payer la recherche-développement des entreprises par des fonds soit publics, soit par les frais d'inscription des étudiants qui rentrent dans la masse des fonds de financement de l'université. Voilà. En même temps, d'ailleurs, que cette même restriction de fonds publics se traduise. Alors, bien sûr, les universités elles-mêmes en tirent du prestige. Nous avons des contrats avec. Et ils ne vont jamais dire ce que ça coûte réellement. Il faut vraiment des gens qui, de l'intérieur, aient pu étudier de près les comptabilités pour s'apercevoir de l'arnaque. Voilà. Alors, ce que je voudrais quand même dire, parce que pour réconcilier peut-être les deux points de vue sur l'université qu'on massacre ou au contraire qu'on remet sur un piédestal, je crois que ça fait partie justement de cette stratégie de supprimer, mais on l'a déjà dans le rapport Attali de 1998, c'est-à-dire en finir avec le clivage vertical université-grandes écoles, pour les réunir au sommet dans des universités de prestige compétitives et tout et tout. Donc effectivement, le but, c'est l'université, ne serait-ce que parce que, premièrement, l'université de recherche, c'est quand même le modèle dominant maintenant, depuis Humboldt d'ailleurs, et c'est celui qui fonctionne le mieux dans la compétition internationale. Donc c'est l'université de recherche. Ensuite, parce que ces universités vont permettre de réaliser le clivage horizontal qui est en voie de se faire. Et on voit très bien, on va avoir donc nos 10 grandes universités qui regrouperont grandes écoles, presse, enfin tout le reste. Comment ? Tout à fait. Et en dessous, nous aurons les universités de seconde zone, celles qui passent en RCE se verront avec des crédits de plus en plus réduits et en même temps de faibles possibilités d'avoir des fonds complémentaires. Hein. Et puis, l'équivalent des community college américains. En fait, il s'agit d'organiser la raréfaction de la production de diplômés devenus inutiles et de promouvoir les diplômés utiles qui sont en très petit nombre et que l'on veut regrouper avec des moyens suffisants dans ces universités d'excellence. Donc je crois que c'est ça le problème. C'est oui, l'université, mais pas celle que nous connaissons. Et ça va s'accompagner très vraisemblablement de l'abandon du niveau undergraduate par ces universités de recherche qui vont le renvoyer à d'autres... À d'autres niveaux, ce qui est déjà dans le rapport Attali, hein, avec la montée, il disait lui-même en 1998, il faut que pour le DUG, hein, à l'époque, qu'on y mette des enseignants du secondaire, on n'a pas besoin d'enseignants du supérieur, mais à partir de la licence, la maîtrise, là oui, on gardera des enseignants du supérieur.